Pourquoi ne pas partir sur des routes inconnues? Pourquoi ne pas s'enfuir vers des pays jamais vus? En se hâtant lentement de vallon en vallon, l'esprit vagabondant de saison en saison, mon sac est prêt. Il n'attend plus que ton signal. Je voyagerai léger, je n'ai gardé que le principal. J'aimerais qu'on parte voguer tout autour de la terre, qu'on soit libre comme l'air, comme je l'ai tant rêvé. Mais je renoncerai au monde si tu me le demandes. Et ma pénitence se fonde sur cette drôle d'idée. Je te fous tous mes cultes pour m'éviter la chute. Je t'ai tous azimuts car te perdre me rebute. Alors partons, laisse-moi me lever en ton sein. Sautons dans un avion, sur un vélo ou dans un train. Même un sous-marin jaune pourrait faire notre affaire. C'est l'amour que je prends, on est bien prendre cher. Et je renoncerai au monde si tu me le demandes. Ma pénitence se fonde sur cette drôle d'idée. Je vous tous mes cultes pour m'éviter la chute. Je t'aime tous azimuts car te perdre me rebute. Alors partons, laisse-moi me lever en ton sein. Sautons dans un avion, sur un vélo ou dans un train. Même un sous-marin jaune pourrait faire notre affaire. C'est l'amour que je prends, voulais bien prendre cher. Mais je renoncerai au monde si tu me le demandes. Ma pénitence se fonde sur cette drôle d'idée. Je te voue tous mes cultes pour m'éviter la chute. Je t'aime tous azimuts car te perdre me rebute. Pourquoi ne pas partir sur des routes inconnues?